histoire particulière. Hier, 10e arrondissement de Paris, une façade en acajou d'une autre époque, ornementée, aux enseignes de verre portant des dorures, nous a accueillis. En passant le seuil d'une petite boutique, nous avons traversé le XXe siècle à rebours pour retracer l'itinéraire d'un personnage oublié, Auguste Clavry, le roi du corset qui soutient les seins sans les froisser, redresse et amincit la taille sans gêner la respiration. Au 234 rue du Faubourg Saint-Martin, nous avons accompagné Marie Chartron et Assia Khalid à la recherche du corset idéal, puis vers l'histoire du corps qui peu à peu se libère pour adopter le soutien-gorge. Aujourd'hui, nous retournons dans l'intimité de ce qui reste des 20 salons d'essayage à l'arrière de la boutique pour une histoire parallèle insolite et un peu prohibée. On a des soutiens-gorge avec des culottes, il y a tanga, il y a string, et il y a même boxer, et il y a même short. Pareil pour les soutiens-gorge, vous avez les sans armature avec armature, les moulets, les corbeilles, les paddings, les push-ups. On vend aussi ce qu'on appelle de la lingerie nuit. Par exemple, donc évidemment pyjama, chemise de nuit, peignoir aussi, peignoir d'été, peignoir d'hiver. Et on fait de ce qu'on appelle le vêtement d'intérieur. Pyjama d'intérieur, robe d'hôtesse. Par exemple, quand vous avez du monde à la maison qui arrive et que c'était pas forcément prévu, bah vous enfilez ce petit vêtement d'intérieur et ça vous permet quand même de rester un petit peu joli, un petit peu classe et pas en pantoufles et t-shirts longs, vous voyez ce que je veux dire. Les dessous d'Auguste Clavry. Second épisode, de l'insolite au prohibé. 234, rue du Faubourg Saint-Martin. Retour aux premières décennies de la Troisième République. Dans la petite boutique, Auguste Clavry et Georges Boss, à l'origine herboriste, produisent des lotions hygiéniques et crèmes pour dames. Entre autres, l'eau de Vénus ou la crème en tissu d'or, ancêtre du déodorant. Ils entreprennent ensuite, très rapidement, d'explorer le corps de la tête aux pieds. On les retrouve bandagistes et corsetiers. 1894, 1897, 1898, 1902, 1903. Ils se lancent dans une course au brevet pour façonner la silhouette tout en respectant l'anatomie grâce à des matériaux élastiques et inventent des centaines d'objets pour contenir, corriger, soulager les corps. Des corps débordants, abîmés, défaillants, voire déviants. Je vous montre un exemple. Émilie Danois. Ça, alors bien sûr, ça vous paraît désuet et peut-être un peu barbare en voyant ça, mais la mamie de 90 ans qui a vécu 50 ans avec ça, elle ne peut pas, même si je lui propose autre chose, elle ne veut pas, elle ne peut pas. C'est ce qu'on appelle un combiné. Alors, c'est un soutien-gorge incorporé avec une gaine et en même temps porte-jartelle. Là, c'est pas le glamour, hein, le combiné, c'est la fermeté, la sécurité, l'utilité. Avec des armatures. Avec des armatures. Regardez-moi ça. C'est renforcé. C'est renforcé. Mais attendez, parce que j'ai encore plus... Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors là, c'est ce qu'on appelle la gaine. Ça, c'est une vraie gaine. Avec des petits crochets. Alors, on a tous les petits crochets. Regardez-moi ce tissu. Hein. C'est quand même... C'est ferme. C'est ferme, hein. C'est ferme, ça. Hein. Et plus des baleines. Les mamies, elles sont condamnées à la couleur chair ou au beige. C'est, alors, c'est très classique ou noir. Mais comme ça ne se fait plus, c'est pas folichon, mais elles ne recherchent pas quelque chose de folichon, j'allais vous dire. Ce qu'elles recherchent, c'est retrouver ce qu'elles avaient, ce qu'elles ont toujours porté. Ça tient. Vous voyez ? Je referme ma boîte à trésors. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Vous savez pas où ils sont partis, les... Comment ça s'appelle, les trucs de... Des chaussures et tout ça. Ça n'existe plus, monsieur. Ouais, mais oui. Vous savez pas où ils sont partis. Ah, ils sont pas partis, non, ça c'est... La retraite. On va dire ça comme ça, oui, ouais. Une retraite définitive, on va dire ça comme ça. C'était pas sa fille ou... Non. Pourquoi vous il connaissez... Il avait sa fille qui travaillait... Vous connaissez le monsieur ? Ah ouais, très bien, même. Je suis un bon client, j'habite en face. Ah, mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Ben non, là, depuis... ça va faire combien de temps ? Ça va faire 2 ans. Oh, plus de 2 ans, 2 ans et demi. Plus de 2 ans, oui. Donc le monsieur, ben, je vais vous dire, il est décédé. C'est pas vrai ? Oui, je suis son épouse. Oh, voilà. Mais oui, vous teniez le... Ici. Ben, je tiens toujours. Ouais, toujours. Avec ma fille, oh, voilà. Et j'ai pas pu, pour X raisons, faire les deux boutiques. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. La vie, c'est ça. Les bons s'en vont, les mauvais restent. Ah, à qui le dites-vous? Voilà. Voilà, il était sympa. Plus que sympa. Mais je sais, je peux. Je sais. À ma mère, condoléances, avec toutes mes excuses. Je vous en prie. Ok. Merci. Au revoir. Quand la lingerie a commencé à battre un petit peu de l'aile, il restait quand même l'orthopédie. Bien sûr, mais l'orthopédiste, elle s'est arrêtée au décès de mon mari. Florence Arachken. Mon mari aimait à dire, on vient chez moi, donc dans le rayon orthopédie par nécessité, et on vient chez ma femme Florence par plaisir. Parce qu'il y avait donc d'un côté l'orthopédie, là c'était pas drôle, c'était pour se soigner, pour se soulager. Et puis ici, le côté dentelle, la corsetterie, là, c'était quand même plus agréable. Si mon mari était là, l'orthopédie continuerait. Et ça marchait? Oui, ça marchait. Oui et non. On avait des clients fidèles, des clients de quartier. Nous, c'était vraiment une boutique de conseils. Et moi, c'est un petit peu pareil. Je suis quelqu'un de simple. J'ai des clientes de tout âge, de tout milieu, avec des pouvoirs d'achat différents. Et je fais aussi les prothèses mammaires. Parce que les prothèses mammaires, vous les achetez chez des orthopédistes ou dans des pharmacies. Donc la femme, elle est déjà mal dans sa tête, mal dans son corps. Et donc on ne va pas en rajouter une couche avec la blouse blanche. Et elle se sent bien dans le... Voilà, elle se sent... On est entre femmes, donc on se comprend. Monsieur le docteur, nous nous permettons de soumettre à votre appréciation le corset sangle du docteur Bossard, récente création établie sur des bases absolument nouvelles. Nous espérons que vous prendrez quelque intérêt à la lecture de la plaquette ci-jointe et que vous aurez ensuite l'occasion de recommander dans votre clientèle l'usage de ce corset dont les avantages sont très notables, surtout en ce qui concerne les dames atteintes de ptose abdominale, reins mobiles, déplacement de l'utérus, affection de l'estomac et de l'intestin, suite d'opérations, etc. Nous vous prions d'agréer, monsieur le docteur, l'expression de notre respectueux dévouement. Établissement Auguste Claverie. À Madame Georges Boss, Paris, 10e arrondissement. Presqu'île de Gallipoli, le 28 décembre 1915. Nous sommes en plein préparatif et quand ma lettre vous parviendra, j'aurai quitté la presqu'île pour une destination inconnue. Nous allons au repos, mais je ne sais où. En tout cas, je suis très heureux de quitter ce coin et surtout d'avoir la perspective de pouvoir passer quelques jours sans entendre le canon et les éclatements d'obus. Car en ce moment, les Turcs ont un regain d'activité et nous envoient pas mal de marmites. Aussi, notre séjour ici n'a-t-il rien d'attrayant. Les projectiles pleuvent de partout. J'ai des lettres des soldats de 14 qui écrivaient... Ils s'étaient fait amputer par un pied. Et la société Claverie avait fait une prothèse sur mesure. Ils étaient revenus de la guerre. Ils envoyaient des messages, des lettres aux établissements Claverie de remerciements. C'est la guerre, et comme je ne puis rien changer aux événements, j'en ai pris mon parti et me laisse guider par eux. J'ai toujours bon espoir et bon courage. La paix finira bien par arriver. Encore une fois, merci à Georges pour son envoi. Les jambières me sont très utiles et n'ont pas l'inconvénient de serrer la jambe. Quant au porte-cigarette, il fait mon bonheur, car ma seule distraction est de fumer quelques sèches. Bonne année. Mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour vous tous depuis ce coin perdu de la presqu'île. Je vous embrasse bien fort. Armand Macadier. Toute son activité sur les prothèses, Agnès Chauvin, avec les mutilés de la guerre de 14-18, lui apporte une grande fortune, puisque là, il ne s'agit plus d'Auguste Claverie, mais de Georges Boss, qui met au point tout un tas de prothèses qui, je pense, font la fortune de la maison, des prothèses de jambes, des prothèses de bras, avec des catalogues l'on voit la publicité, l'amputé marche, on voit un monsieur qui patine avec sa prothèse, on voit un porteur de valise, on voit un cycliste qui peuvent à nouveau effectuer tous ces mouvements grâce à leur prothèse. On voit aussi un alpiniste, on voit un violoniste, c'est oui. Un peu tous les corps de métier sont représentés. Voilà, oui. Et puis dans ce catalogue, on voit les différents salons d'essayage qui malheureusement n'existent plus, mais qui se trouvaient au premier étage de la maison Claverie, où je pense que dans un luxe certain, on pouvait essayer sa prothèse et puis l'ajuster. Que l'on s'entende. Certains constructeurs étrangers, prévoyant le grand nombre d'amputés à satisfaire, se sont mis en quête de trouver en France un débouché à leurs produits manufacturés. Ces jambes, qui le plus souvent sont le produit hâtif d'une main-d'œuvre douteuse, arrivent en France toutes faites et la première venue est tant bien que mal appliquée au premier client qui se présente. Ces procédés, on en conviendra, sont un peu trop expéditifs. Nous estimons, dans les circonstances actuelles, qu'une jambe établie d'une façon strictement personnelle pour chaque amputé, montée sur ses mesures et complètement garantie, doit être essayée au bout de 10 à 15 jours et livrée absolument terminée dans un laps de temps variant de 25 à 30 jours au maximum. Tous nos modèles de jambes La Française peuvent être établis et livrés dans ce délai. La jambe artificielle La Française, créée par des Français, exécutés dans des ateliers français. Au secours des mutilés. C'est un problème qui, au lendemain d'une guerre aussi coûteuse, réclame de nouvelles solutions. En Allemagne, on a imaginé de remplacer l'ancien crochet d'un usage restreint. On fixe à l'extrémité du bras amputé une sorte de pas de vis auquel s'adaptent les divers instruments que le manchot peut être appelé à manier. Grâce à ce procédé, le mutilé, naguère capable seulement d'esquisser certains gestes, est aujourd'hui susceptible d'accomplir facilement des tâches qui lui étaient autrefois interdites. Un miracle humain. C'était considérable, Claverie, hein. Faut bien s'en rendre compte, c'était... Guillaume Mallory. Comment pourrais-vous dire ? C'était à la fois quelque chose comme Hermès, et en même temps, c'était aussi... C'était aussi Nike, d'une certaine manière, si vous voulez. C'était spécialisé. Mais oui, c'est exactement pareil. C'était spécialisé dans un certain type de produits qui étaient les gaines, les corsets, etc. Mais à côté de ça, ils faisaient un paquet d'accessoires. Énormément. Tout ce qui était pendant la guerre, ça avait été les jambes de bois, les prothèses, etc. Mais il y avait tout autre chose, dont, naturellement, ce qui est le plus cocasse et le plus rigolo, mais qui n'était pas négligeable, c'était les sextoys. Il y avait toute une. Qui était sur le catalogue, hein, et qui était en vitrine. Ce qui a valu d'ailleurs un petit procès. Un tout petit procès. Bon. Mais parce que les gens passaient devant la vitrine et puis se marraient, etc. Donc c'est une atteinte un peu aux bonnes mœurs. Mais enfin, bon, voilà. Ça fonctionnait bien. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Alors que moi, j'oserais pas les mettre en vitrine. À l'heure actuelle, j'oserais pas les mettre en vitrine. Et puis j'oserais pas les vendre. Et en plus, si je mets ça en vitrine, je pense que j'aurais des problèmes actuelle. Oui. J'aurais des problèmes, oui, c'est sûr. Ça peut paraître idiot, mais d'abord il faut. Entrez dans la baignoire avec les accessoires. Tandis que de l'eau qui coule m'arrive jusqu'au cou. En soufflant, je roucoule et je fais des glou-glou. Je mets des poissons rouges en guise de requin. Et un ballon rouge que je prends pour un zeppelin. Pour que ce soit parfait, j'ouvre le robinet, et comme sur l'océan, ça fait un ouragan. Claverie avait inventé, parce que Claverie était un génie, alors je ne sais pas avec qui c'était associé, mais c'était manifestement un génie de la communication et de la publicité. Parce qu'il y a des pubs, et puis il y a aussi des pubs planquées, c'est-à-dire des articles qui sont manifestement des articles payés par Claverie dans les journaux. J'en ai quelques-uns là qui sont extraordinaires. Bon, par exemple, les sextoys, les appellent le consolateur des dames. Voilà, bon, le visiteur. Voilà, le visiter, ah, le visiteur. Ah, c'est extraordinaire. Il y avait des choses. Eh oui. En visuel, c'est assez efficace. Oui, tout ça, c'est des gueux de Michet spéciales. Alors, c'est toujours sous des auspices. une petite description scientifique. Bah, c'est une forme de gonne Michet, si vous voulez, avec du bois et du caoutchouc. Je crois qu'il était très branché sur le caoutchouc. Parce qu'il parle. Voilà. Le latex. Il était très fort sur le latex. Alors. D'ailleurs, il est cité, hein, Clavery est cité comme dans un livre assez connu qui s'appelle « L'industrie de l'obscénité, commerce pornographique et culture de masse à Paris ». Donc s'il est cité dans des études historiques, c'est que vraiment, dans ce domaine-là, c'était aussi une référence. Oui, je crois que c'était une référence parce que la puissance de feu de Clavery était considérable. En réalité, il avait un nombre absolument hallucinant de succursales en France, mais il l'avait aussi dans tout l'Empire, et pas seulement. Je crois qu'il y en avait en Russie. Voilà. Forcément, quand le catalogue circulait, qui était très attendu, naturellement, s'il y avait des sextoys, si vous voulez, les sextoys, on les voyait d'autant mieux. Vous voyez, c'est comme si Adidas faisait des sextoys aujourd'hui, ou je sais pas, ou Nike. Du coup, vous les regardez de près, si vous voulez. Mais en réalité, ils existaient par ailleurs. Hein. Il y a des choses magnifiques, par exemple. Vous n'avez pas ça? Regardez. Alors, ça s'appelait les doigtiers à picots de la maison Clavery. C'est une merveille. Hein. Alors, voilà, c'est des préservatifs, si vous voulez, mais agrémentés de plein de petites choses pour. Bon, alors, il y en a qui sont pour les doigts et il y en a qui sont pour la verge de monsieur. Comme son nom l'indique, il a pour but de mettre à l'abri de toute surprise, soit au point de vue de la grossesse quand son état de santé lui interdit, l'enfantement sous peine de maladie terrible ou même de mort, soit au point de vue de maladie contagieuse ou vénérienne. Donc il y a toujours un aspect hygiénique, si vous voulez, qui est mis en avant. Pris pour toute grandeur. Oui, pour toute grandeur. Peut servir plusieurs fois. Il est en caoutchouc dilaté de qualité tout à fait supérieure et possède à son extrémité, parce que le caoutchouc, il venait d'Indochine. Ça, il y est quand même. Il possède à son extrémité une petite poche ou ampoule qui sert à recevoir la semence de l'homme, ce qui fait que le visiteur, on l'évoquait tout à l'heure, n'est pas gêné dans son fonctionnement au moment psychologique. On s'en sert comme un préservatif ordinaire en le déroulant sur le visiteur. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le procès, dans le petit procès, là, enfin la petite enquête, etc., 1896, du coup, on a une précision. Alors, c'est Auguste Charles, 36 ans. Alors, on l'appelle bandagiste. Ouais, son métier, c'est bandagiste. 234 Faubourg Saint-Martin, situation prospère, sobre d'une conduite irréprochable, et on lui reproche quand même de ne pas mettre toujours, c'est merveilleux cette fois, de ne pas mettre toujours toute sa discrétion dans la présentation de sa vitrine. On a constaté que les passants s'arrêtaient devant la porte et montraient en riant les articles spéciaux en caoutchouc et en baudruche d'un usage trop intime pour être publiquement exhibé. Éducation au plaisir et contraception. La maison Clavery fait une propagande antinataliste clairement contraire aux bonnes mœurs de rigueur. Et pourtant, entre le bourrelet de Vénus et les doigtiers malgaches, on peut acheter pour 90 francs pièce une ceinture de chasteté pour les deux sexes contre l'onanisme avec cuvette en nickel. Si chez l'adulte, l'onanisme est une des manifestations de l'hystérie, cette malheureuse passion est aussi pratiquée par de nombreux enfants, garçons et filles, au début inconsciemment et plus tard avec frénésie. Quels que soient les moyens spécifiques employés pour combattre l'onanisme, aucune de ces solutions ne vaut ma ceinture spéciale. L'appareil peut rester adapté nuit et jour. Au bout d'un certain temps de manœuvres infructueuses, l'enfant, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de se livrer à sa passion, finit par renoncer forcément à ses funestes habitudes. Recourir dès le début à mon appareil, c'est aller au-devant d'un succès certain. Il y a un catalogue qui était en vente et les objets étaient en vente par correspondance. Et tout ça, justement, correspond bien à cette période où le commerce par correspondance se développe. Donc sur ce catalogue de la maison Clavery, il y a indiqué « Manufacture spéciale, caoutchouc dilaté et appareil pour usage intime, maison Clavery, 234 rue du Faubourg Saint-Martin ». Donc un catalogue illustré avec des modes d'emploi, et puis une réclame, l'essayer, c'est l'adopter. Donc ici, les préservatifs féminins, qui semblent être des sortes de coquilles, je pense. Et puis, pour les préservatifs masculins, différents anneaux aussi. Enfin, avec des spécificités. Ici, je vois anneaux dentelés. Et ici aussi, donc effectivement, des choses qui semblent beaucoup se rapprocher de Godemiché. Le commerce d'obscénité à la fin du 19e siècle, souvent il se trouve dans ce quartier du nord-est de Paris, proche des gares, proche de quartiers qui sont en pleine industrialisation. Il faut prendre la rue Lafayette, toute cette longue rue qui est très, très typique d'Haussmann, et puis on débouche justement devant la maison Claverie, qui est finalement très très bien placée. Bon, c'était avant l'arrivée du métro, mais je pense que cette maison en angle, elle est très visible, et puis elle est au pied du métro Louis Blanc. Il faisait tout, il fait pas seulement du... Il fait des sextoys, mais... parce que c'est amusant à raconter, mais il fait pas que ça, il fait des bas élastiques pour varices, il fait des bandages de contention pour les hommes, il fait des... Et même la vision, parce qu'il y a une boutique qui s'appelle Optique Claverie. Ah bah bien sûr. Ça a été revendu dans les années 60, mais c'était tout ce qui était oculaire. Mais en fait, je crois que quand même, c'était un visionnaire. Et j'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir de temps en temps à Paris. C'est avec regret que nous vous voyons partir après 36 ans de service dans notre maison. Moi aussi, ça me fait de la peine de vous quitter, monsieur Levasseur. Oh. Mmh. Tout ça va bien me manquer. Mon cher Martinet, vous êtes entré dans cette maison il y a de cela 36 ans en qualité de manutentionnaire auxiliaire. À force de persévérance, d'assiduité dans le travail, vous avez gravi un à un les échelons de la hiérarchie jusqu'à devenir sous-chef de la manutention. Monsieur. Aussi, au soir de cette vie bien remplie, au nom de vos camarades, mon Dieu, ils sont tous là. Au nom de notre maison, acceptez ce témoignage de notre reconnaissance. Cette modeste statue vous rappellera nos spécialités qui formèrent jusqu'à aujourd'hui la trame de votre vie quotidienne. Oh. Vous me gâtez, monsieur Levasseur, c'est trop. C'est trop. Parmi les gaines, les béquilles et les prothèses de jambes, Louis Martinet, interprété par Michel Serrault dans Le Viager de Pierre Tchernia, se voit remettre pour son départ à la retraite un modèle réduit d'homme, mutilé, ceinturé et appareillé de toutes parts. Il quitte la boutique d'un air contrit, laissant derrière lui la façade sur laquelle on peut lire « Corset, Claverie, Orthopédie » et s'engouffre dans la station de métro Louis Blanc. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, que de cet empire immense, il ne reste aujourd'hui que deux petites boutiques ? Donc que ce commerce est quand même largement périclité, Agnès Chauvin. Je pense que c'est à mettre en parallèle avec la crise du textile des années 70. Et puis, peut-être le fait que les personnes n'achètent plus leurs sous-vêtements dans des boutiques spécialisées, la crise du petit commerce aussi. Et puis, tous les comptoirs à l'étranger, c'est aussi en mettre en parallèle avec la fin de l'empire colonial et puis d'autres pays qui prennent le pas en proposant des sous-vêtements à prix plus bas. Et puis également les femmes qui se sont libérées des corsets. Mais malheureusement, dans les années 50 ou 60, avec la libération de la femme, eh bien, l'activité a stagné et ça commençait à péricliter dans les années 70. Donc beaucoup de boutiques ont été vendues Et puis maintenant, par exemple, il y avait Angoulême, il y avait Grenoble, il y avait Maubeuge, Reims, Clermont-Ferrand. Et là, les murs ont été gardés, mais l'activité s'est arrêtée dans les années 80. Donc maintenant, il ne reste que la boutique où vous êtes, ici, mais qui le fief, qui le noyau qui était à l'origine. Donc j'ai bien l'intention qu'après moi, l'activité continue. On a un peu l'impression que c'est une histoire qui a laissé des petits fragments de partout. Dans la ville invisible, plus ou moins invisible, dans les archives, ça et là, la BNF, les archives de la police, et qui n'a pas encore été écrite. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter, vous, quand vous êtes sur les traces de cette histoire? Moi, je trouve cette histoire Clavry extraordinaire, précisément parce qu'elle témoigne d'abord d'une aventure, d'inventeur, quoi. C'est quelqu'un qui a inventé un certain nombre de procédés à la limite de la science, de la technique, de la couture, des nouveaux matériaux qui arrivaient sur le marché. Bon, donc là, on a, une espèce d'initiative industrielle passionnante. Deux, on a quelque chose qui est extraordinaire du point de vue patrimonial. C'est vrai que c'est cette façade d'acajou et l'intérieur, c'est quand même extraordinaire. C'est début Napoléon III. Ça naît sous Napoléon III. Hein. Ça naît sous le Second Empire. Et ça prospère ensuite et ça se développe, etc. Donc là, c'est le deuxième. C'est l'aspect patrimonial. Troisièmement, c'est l'emprise. Est-ce que ça témoigne sur le quartier? Il y a à la fois les ouvriers, les commerciaux, les accessoiristes, les lunetteries, les machins, tout ça forme, si vous voulez, un tissu oublié, mais dont on continue d'avoir des traces dans le quartier. Merci à Florence Arachken, Émilie Danois, Guillaume Mallory et Agnès Chauvin. À Safia Benayat Chérif, architecte, et à Charlotte Smos de la boutique belge. Merci au Centre national des archives historiques de la SNCF. Documentation INA, Sabine Dahuron. Prise de son, Thomas Robin. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Christine Bernard. Les dessous d'Auguste Clavry. Une histoire particulière racontée par Marie Chartron et Assia Khalid. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous serons en compagnie de deux écrivains face à deux assassins. Mais c'est une autre histoire.